Aquila Silion, le tableau diabolique. Lu par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Les hivers étaient rugueux et violents dans les profondeurs de la forêt du Massachusetts en 1692, alors que les étés n'étaient qu'une douce explosion de verdure. Dans ce lieu enchanteur, vivait une jeune villageoise et sa petite fille. Depuis quelque temps, Élisabeth avait un mauvais pressentiment et hésitait à laisser Abigail toute seule dans leur modeste chaumière pour descendre au village, après les terribles accusations qui pesaient lourdement sur certaines de ses amies. À tort, car les sorcières exerçaient principalement leur art de façon discrète et à l'abri des commérages. Élisabeth n'avait pas honte d'en être une, mais devait se taire, car les hommes de Dieu les pourchassaient sans répit depuis quelque temps. C'était une sorcière qui pratiquait la magie blanche. Ses enchantements avaient déjà guéri bon nombre de villageois aux alentours, et à ce jour, personne ne l'avait encore trahie. Mais un jour, le révérend Chardon, fraîchement débarqué de la grande ville, décida de leur livrer bataille. Il tenait ses ordres directement du haut clergé protestant, et en leur nom, il était bel et bien décidé à résider dans leur région jusqu'à ce que toutes les filles du diable soient châtiées sur la place publique. Ce qui signifiait, pour résumer, une mort lente et affreusement douloureuse pour les pauvres malheureuses. « La nuit porte conseil, » songea Élisabeth. La nuit tissait son opulente toile opaline sur l'hiver rude, où les aiguilles du temps semblaient faire une pause. Dans la petite chaumière, les escarbilles jaillissaient de la cheminée et s'élevaient dans les airs comme une douce mélopée. Et tandis qu'Élisabeth terminait une décoction à base de lavande et de belladone pour lutter contre les rhumatismes de la veuve Chester, Abigail mettait une dernière touche à sa toile. Sa fille possédait un don, hormis celui pour lequel elle était prédestinée. Elle avait des mains de magicienne et dépeignait les couleurs de la nature avec une subtilité incroyable, guidée par la main de Dieu lui-même. Sa dernière œuvre représentait sa mère et décorait agréablement la cheminée capucine du foyer. Il y avait une telle poésie dans son visage qu'il en devenait presque surréaliste. Subitement, le pot en terre glissa des mains d'Élisabeth. Une vision d'horreur s'était imposée à elle. Des cris de suppliciés broyés par une souffrance extrême, puis un long couloir, celui du temps, et un tableau qui ressemblait étrangement au sien. « Maman, tout va bien ?» souffla Abigail. Élisabeth s'agenouilla et récupéra tous les ingrédients. Elle forma un petit tas qu'elle remit dans le pot, intact malgré sa maladresse, après avoir vérifié l'absence de salissure. « Tout va bien, mon ange, je suis juste un peu fatiguée. Achève ta toile. » Abigail afficha une moue sceptique. Elle avait beau être âgée de 10 printemps, la petite fille avait déjà été le témoin d'événements étranges. Sa mère la ménageait, lui cachant la véritable raison de ce malaise passager. Finalement, elle haussa les épaules. La visite des esprits était une expérience à laquelle les sorcières étaient accoutumées et où les protagonistes dévoilaient rarement leurs apartés. Pourtant, devant le visage blême de sa mère, elle était curieuse de connaître le contenu de sa vision. Brusquement, on cogna violemment à la porte de la maisonnée. Instinctivement, Élisabeth décrocha la pierre attachée autour de son cou et la noua autour de celle de sa fille, dont les lèvres commençaient à trembloter. Les ébranlements administrés étaient si spectaculaires que des larmes de terreur saisirent la fillette. Courageusement, Élisabeth prit le visage de sa fille entre ses deux mains et la fixa droit dans les yeux, avant de lui dire sur un ton posé et ferme. « Le temps nous est compté, Abigail. La pierre te protégera au-delà de la mort. Souviens-toi du tableau. Tu pourras toujours revenir ici. Quoi qu'il se passe, quand ces hommes franchiront le seuil, n'oublie jamais que je t'aime, mon enfant. » La porte éclata en morceaux, cédant sous les coups de pied puissants de 3 hommes masqués. Ces derniers s'avançaient, l'air extrêmement menaçant. Élisabeth, droite comme un i, protégeait Abigail par sa silhouette longiligne et frêle. Un des hommes tenta de l'attraper par le bras, mais la jeune femme se défendit férocement en montrant les dents, et une voix aiguë et sadique s'éleva. « Voyez comment le malin fait son œuvre. Cette femme est possédée. On ne nous avait pas menti. Elizabeth Stepford, par la grâce de Dieu, vous êtes coupable de sorcellerie. » Elizabeth était maintenue vigoureusement par un homme. Abigail, par l'autre, la jeune femme fulmina en hurlant. « Mensonge ! Où sont vos preuves ? Je ne suis pas damnée ! Ma fille est une âme innocente ! Vous êtes tous fous ! Laissez-nous tranquilles !» L'homme continua sans fléchir. Aucune émotion n'était perceptible dans ses mots. Froid, calculateur et juge, il demeura impassible. Il articula. Les faits nous ont été rapportés par les habitants du village dont je tairai les noms. Il éleva la voix et pointa un doigt accusateur sur elle. Ils ont été les témoins de votre sorcellerie. Ils vous ont vu pactiser et entretenir une alliance secrète avec les forces démoniaques. Démentez-vous ces accusations ? Malgré le flux de sanglots qui inondait sa gorge, Elizabeth répondit que oui. « Et votre fille ?» Abigail tremblait face à son assaillant qui exerçait une forte pression sur ses bras. Même sous son masque, elle devinait qu'il prenait un malin plaisir à la tyranniser, la pinçant délibérément afin de lui arracher un cri de douleur. « Voyez comme votre enfant réagit à ses actes. Le malin l'habite aussi. » Elizabeth réitéra ces paroles, clamant leur candeur. « Nous sommes innocentes des crimes dont vous nous accusez. Laissez ma fille partir, je vous en supplie. » Mais en vain. L'homme, qui n'était autre que le révérend Chardon, la regarda derrière les trous de son masque. « Seriez-vous prête à vous confesser ? » Elizabeth savait ce que cela signifiait. Confession ou non, le châtiment était le même pour toutes. La mort. Devant son silence, il ordonna à ces deux hommes de sortir les deux femmes de leur propriété. Elizabeth eut juste le temps de faire deux incantations, l'une en direction de la pierre que sa fille avait conservée autour du cou, l'autre vers le seul ornement de leur pauvre logis, le tableau. Abigail ne quitta pas sa mère des yeux. Elle était forte et d'une dignité sans égale, et cela malgré l'issue funeste qui l'attendait. Elle se rassurait avec ces derniers mots prononcés avant l'arrivée des bourreaux, qui se croyaient à tort des juges. « La pierre te protégera au-delà de la mort. Souviens-toi du tableau, tu pourras toujours revenir ici. » Cette nuit-là, le ciel obscur était sans lune. Les deux fidèles durent allumer de nombreuses torches afin d'accomplir leur châtiment. Ils procédaient toujours de la même manière, surtout quand les damnés ne reconnaissaient pas les faits. Ils se délestaient d'un procès dont ils ne voyaient pas l'utilité. Les sévices administrés sur place étaient d'une cruauté inimaginable. Tout d'abord, ils s'attaquèrent à la jeune mère, puis à la fillette. Ils les déshabillèrent de la tête aux pieds. Ainsi, dévêtus, leurs corps gelés demandèrent rapidement grâce. Leur respiration saccadée laissait échapper des alvéoles de fumée blanche, et leurs lèvres rosées basculèrent irrévocablement vers un bleu livide et inquiétant. Tétanisées, elles se collèrent l'une contre l'autre afin de conserver le peu de chaleur humaine qu'il leur restait. Mais les deux hommes les séparèrent méchamment et attrapèrent par les cheveux Elizabeth, qui fut traînée dans la neige avant d'être placée devant une sorte de masse sombre. Abigail eut beau hurler et user des dernières forces qui lui restaient, les bourreaux semblaient hermétiques à ses lamentations. Et pendant un court instant, elle jura de revenir et de se venger, même si cette fois elle devait pactiser avec le diable lui-même. Derrière la carriole se tenait une masse, une sorte de sarcophage en chêne massif. C'était l'un des instruments de prédilection du révérend. Secrètement, il attendait que sa justice soit rendue. La boîte anthropomorphe était imposante et, à première vue, faisait au moins 2 mètres de haut sur 1 mètre de large. Elizabeth cherchait désespérément un moyen afin de retarder l'instant où elle serait enfermée dans cette boîte au supplice. En vain. Elle était beaucoup trop ankylosée par le froid qui engourdissait ses chairs. Petit à petit, ses forces l'abandonnaient. Dorénavant, elle était incapable de faire le moindre mouvement sur le sol neigeux. Retenue par les deux hommes, ses pieds engourdis laissaient de grandes traînées blanches après son passage. De longues empreintes qui resteraient à jamais gravées dans l'esprit d'Abigaël. Assise à même le sol, la petite fille assistait, désarmée, à ce spectacle macabre. Le froid était un ennemi redoutable, et tandis que la silhouette de sa mère s'évanouissait petit à petit, elle entendait au loin une autre musique, celle des battements de son cœur qui résonnait plus lentement, jusqu'à ce qu'il cesse de battre indéfiniment dans sa petite poitrine. Ainsi, Abigaël mourut seule, nue, les yeux grands ouverts en direction de sa mère. Sa jeune âme quittait son corps. Et le ciel obscur fit place à un autre ciel, bien plus chaud et agréablement coloré. Des sourires amicaux et des mains tendues, aimantes, l'attiraient et l'appelaient. Elle aurait tellement voulu demeurer avec les anges, sous ce joli ciel céleste. Mais la petite fille hésitait, suspendue à présent dans les airs, sous sa forme spectrale opaline. Elle était torturée par les remords. Elle esquissa faiblement un regard vers le bas. Guidée par une voix ténébreuse, elle se mit à fixer la silhouette de sa mère. Cette dernière suppliait, encore une fois, ses tortionnaires, de ne pas la mettre dans le sarcophage, celui que l'on appelait la Vierge de Fer. C'en était trop pour la fillette, qui laissa un torrent de haine la submerger. Furieuse, elle tourna le dos au ciel paradisiaque, et tandis que les deux hommes ouvraient simultanément les portes de la chambre des tortures aux pointes acérées, le ciel céleste referma ses grilles, abandonnant Abigaël à son sort. Élisabeth continuait à geindre et à hurler à plein poumon. Sur les lèvres du révérend flottait un étrange sourire. Il se mit à officier en brandissant sa croix. « Voyez comment les démons s'agitent en vous. Une âme pure n'a pas peur de rejoindre notre Seigneur. » Élisabeth lui cracha en pleine figure. Le révérend s'essuya le visage et la regarda pendant un long moment, puis la gifla avec son crucifix. Elle perdit l'équilibre et tomba inerte à l'intérieur de la boîte. Son corps était couvert de meurtrissures causées par le froid et des ecchymoses commençaient à apparaître progressivement sur ses avant-bras. Le révérend Chardon ordonna à ses deux fidèles de refermer le tombeau, ce qu'ils firent sur le champ le plus tranquillement du monde. À l'intérieur, les instruments de mort firent leur immonde besogne. Les clous plantés respectivement dans chacune des portes percèrent les bras et les jambes d'Élisabeth, puis pénétrèrent ses yeux, sa poitrine, ses épaules et sa vessie. Et malgré ses souffrances, elle n'émit pas le moindre râle. Pendant qu'elle agonisait, silencieuse, les trois hommes décidèrent de retourner dans la chaumière afin d'y allumer un feu pour purifier les lieux et d'y imposer leur sceau de justice. Ils restèrent immobiles jusqu'à ce que les dernières flammes se transforment en cendres recouverte par la neige vestale. Abigaël assista à la scène totalement impuissante. Sa forme spectrale se modifia. Un halo ambré apparut sur son visage, au même moment qu'un feu d'un rouge intense surgissait de ses orbites creuses. Un feu bien plus intense que les flammes de l'enfer. Son sourire devint carnassier, étrangement vorace. Elle regarda son ancienne demeure et pensa au tableau et au dernier conseil prodigué par sa mère. Abigaël plana un moment et fondit sur sa demeure vélocement. Elle intégra le tableau qui, malgré l'assaut des flammes, semblait intact. Les murs de la petite chaumière avaient disparu en un tas de poussière et de cendres, répandus un peu partout. Seule la cheminée demeurait, et sur celle-ci, le tableau représentant un portrait, celui d'Élisabeth. En ouvrant les portes du sarcophage, les hommes eurent une drôle de surprise. Ils s'attendaient à voir la femme baignée dans une mare de sang, comme de coutume, après l'une de leurs chasses aux sorcières. Et pour la première fois depuis le début de leur croisade, ce n'était pas la satisfaction que l'homme d'église lut sur les visages raidis de ses deux fidèles, mais une terreur sans précédent. Devant leur refus de répondre à ses interrogations, il se pencha et regarda lui-même dedans. Il recula, révolté. Le tombeau était vide. Le corps d'Élisabeth s'était volatilisé dans les airs. Le révérend ne céda pas à la panique et tenta de rassurer ses hommes en leur clamant. « Une dernière ruse du diable. Sa tromperie ne marchera pas. Voyez, mes amis, le cadavre de son enfant est encore là. Hâtons-nous de l'enterrer avec les précautions d'usage. » Pour le révérend, les précautions dites d'usage signifiaient la peur que le fantôme d'Élisabeth vienne récupérer la dépouille de sa fille. Ainsi, donc, ils creusèrent une petite fosse où le cadavre d'Abigaël fut jeté sans aucun égard particulier. Puis ils entourèrent la petite sépulture d'armatures en acier pur afin qu'elles agissent comme une barrière protectrice, une prison surnaturelle. Rasénéré, le révérend était intimement convaincu que l'âme de la fillette était emprisonnée pour l'éternité et que personne ne pourrait venir la chercher. Mais le révérend Chardon se trompait. Avant de monter dans la carriole, un de ses loyaux serviteurs lui tendit une sorte de toile. Ce dernier la prit dans une de ses mains gantées, victorieux. Il la brandissait comme un trophée. Cet ornement était une preuve incontestable de son travail mené contre le malin. Lors de la prochaine audience, il serait fier de le présenter devant toute l'assistance. Il le jeta à l'arrière et demanda qu'on le ramène chez lui. Le révérend ne résidait pas à l'intérieur du village, mais à l'extérieur. Le seul signe de sa présence en ville était son église qui se situait au centre de la place. Au seuil de sa porte, il remercia chaleureusement les frères James et Melville Scott en les bénissant, puis leur ordonna de rentrer chez eux, ce qu'ils firent sans demander leur reste. La soirée avait été très épouvantable, et ils tentèrent d'oublier la disparition du corps d'Élisabeth dans son tombeau aussi vite que possible. Demain, ils chasseraient encore d'innombrables hérétiques avec l'aide de Dieu et du révérend. Ainsi, c'est donc l'âme légère qu'ils repartirent en ville dans leur modeste logis. Les sabots des chevaux s'éloignèrent lorsque le révérend enleva enfin son masque. Il se servit un verre de cognac et se dirigea vers le petit salon. Il posa son trophée sur son bureau et commença à savourer par petites lipées le breuvage brun qui coulait le long de sa gorge en le réchauffant doucement. Soudain, ses lèvres tremblèrent, une forme spectrale lui faisait face. Il lâcha son verre, et avant qu'il puisse ouvrir la bouche pour articuler un mot, Abigaël planta ses dents aiguisées dans son cou jusqu'à ce que sa tête se détache de son corps. Le sang bouillonnant et chaud gicla de part en part, les murs prirent une teinte rubescente. Abigaël était satisfaite. Elle venait d'obtenir sa première vengeance. Des éclairs verdâtres fusaient de ses cavités creuses. Pendant un instant, elle resta là, silencieuse, puis repartit se cacher au fond du tableau. Très tôt dans la matinée, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le révérend Howard Chardon avait péri dans l'incendie qui avait dévasté toute sa demeure. Hormis quelques meubles et un étrange tableau qui avait, miraculeusement, échappé aux flammes de l'enfer. Tout avait été détruit. Les frères Scott furent désignés par la petite communauté pour récupérer et entreposer les affaires du défunt prêcheur dans leur maison jusqu'à ce que le magistrat décide de leur sort. Mais une semaine plus tard, ils subirent à leur tour le même châtiment que le prêtre dans des circonstances similaires. Leur maison fut incendiée et les causes de leur mort demeurèrent un mystère. Les villageois ne comprenaient pas comment ils avaient réussi à pénétrer dans la Vierge de Fer et s'infliger des perforations aussi profondes et multiples. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose avait ouvert et refermé les portes encore et encore. À part le tombeau et un étrange tableau, rien n'avait été épargné. Un détail pourtant sur celui-ci avait été ajouté par on ne sait quelle main étrange. Sur la toile, le visage d'Élisabeth n'avait pas changé, mais une larme coulait. Une larme d'innocence, surgit de nulle part, celle d'une petite fille qui avait définitivement détourné son âme du Dieu céleste. La chasse aux sorcières s'estompa au fil du temps. Les procès contre les hérétiques, en majorité des femmes, s'amenuisèrent. Ainsi, d'autres guerres apparurent, et on oublia très vite l'histoire du révérend Chardon et de ses deux fidèles, les frères Scott. Quant au tableau d'une des habitantes du Massachusetts, il fut relégué au rang d'énigme. Certains prieurs le surnommèrent le tableau diabolique. La plupart le disaient possédé. Sa capacité à résister au feu était surnaturelle, et toutes les personnes qui avaient conservé le tableau plus ou moins longtemps étaient touchées par un deuil, principalement les mères. Ainsi, la décision fut prise de l'envoyer rejoindre les autres artefacts confinés dans un endroit secret connu par une poignée d'initiés, dont le président et quelques membres ecclésiastiques. 1992. Quelque part entre ici et ailleurs. Dans une zone hautement protégée, inconnue du grand public, réside sur une petite étagère un objet. Sous le voile poussiéreux comme un linceul, on peut deviner par sa forme qu'il s'agit d'un tableau. Le titre ne lui fait pas honneur. Le tableau diabolique représente pourtant et simplement un visage, celui d'une belle villageoise du Moyen-Âge. Mais attention à ceux qui seraient tentés de pousser leur curiosité jusqu'au bout. Car en soulevant le voile, ils seraient à la fois étonnés et effrayés d'apercevoir un autre visage, celui d'un spectre encerclé par les flammes et dont les traits enfantins n'ont plus rien d'innocent. À côté du titre de l'œuvre, une note est adressée au personnel du service. Permission de regarder, interdiction de toucher. Une note suggestive qui aurait pu être rédigée par le diable lui-même.